Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Bonne année, là! Bonne année! En tout cas, c'est bien commencé, hein, parce que moins 25 pendant deux semaines, 10 pieds de neige et en 24 heures, du verglas. Mais là, je ne vais pas parler de météo, on n'est pas à TVA. Donc oui, ça commence bien l'année, hein, et aussi je devrais vous souhaiter, et nous souhaiter une bonne année pour dans notre shithole, parce que tout ce qui n'a pas l'air d'être un endroit dirigé par un fou furieux et qui fait l'apologie extrême du matériel, du sexe et des riches, ben c'est la définition même d'un shithole, vous le saurez. On est plusieurs dans ce cas-là. Et c'est quand même fantastique parce que quand on a demandé à Trump s'il avait effectivement traité Haïti et certains pays d'Afrique de shithole, il a dit non, c'est un mensonge. C'est quand même spécial parce que ce président des États-Unis, quand il affirme une chose, il y a personne, et même si on se fie à Steve Bannon aussi, c'est vraiment personne qui le croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pense qu'il l'a pas dit? C'est fou au point où même si c'était vrai qu'il l'a pas dit, là, il y aurait personne qui est pour le croire. C'est là qu'on est rendu. Et là, je lisais des commentaires de gens outrés, mais oh, on est outrés. Et moi, le premier, de toute façon, depuis la seconde où il s'est présenté. Mais oubliez pas que Trump, c'est aussi la partie visible d'une partie de l'Amérique qu'on veut pas voir, qu'on fait semblant qu'elle n'existe pas. Un pays où on vénère l'argent, les guns, le consumérisme, où le racisme même est normal, et le nazisme. Un pays qui se méfie des intellectuels, de l'école, de la science, hein? Tout ce pays qui nous a fait croire pendant des décennies que la politique c'était sérieux, ben, ça l'est plus. Bref, pour l'heure, le shithole, c'est les USA. Tandis que nous, ben, nous, ça va mieux, hein? Ça, vraiment? Ben, en guise de bonne année, je vous dirais que pour 2018 et les suivantes, on peut facilement faire mieux, hein? Oui, je vous souhaite la santé, ça c'est sûr, c'est un cliché, mais c'est quand même le point de départ d'à peu près tout. Je vous souhaite du bonheur. Parce que le bonheur peut prendre la forme que vous souhaitez. Et le courage aussi de poser des gestes qui contribueront vraiment à votre bonheur. Parce que, assis à espérer, à se plaindre, ça fait un temps. Et si on bougeait, hein? Et si on se réveillait un peu, et si on lisait, si on se montrait plus exigeant envers les dirigeants, les élus, envers les banques, tiens, envers les médias? Ouais. Et si on se réveillait? Bienvenue à Econophile. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wise Emmanuel. Vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Vous allez allumer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com econophile891. Et puis pour trouver le blog, deux façons, ben il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore ben vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. D'ailleurs, il y en a de très bons qui s'en viennent. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponible dans la section émissions. Mmh. Alors, Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour David et bonne année. Bonne année officiellement, on se l'est dit avant, mais là on se le dit à la radio, c'est encore mieux, c'est plus sérieux. Jean-Claude, je me suis amusé à faire la petite publicité cette semaine parce qu'on va mettre le nez, on va s'installer devant la boule de cristal, essayer de faire des perspectives 2018. C'est assez large d'ailleurs, il y a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Oui, ben on va en gratter effectivement assez large, mais on va essayer de pas trop répéter ce que beaucoup de conjoncturistes font, là, parler comment le PIB va évoluer. De toute façon, c'est assez imprécis. Il y en a qui disent qu'on s'en va à tel niveau, d'autres à tel autre niveau. Donc, on va faire gratter un petit peu large, parler un petit peu de politique aussi, parce qu'il semble que tu aimes bien ça, David, parler de politique. J'aime ça, mais écoute, la vie me donne raison. La politique, l'économie, c'est intimement lié. Je dois avouer, malheureusement, que oui. Et d'autant plus que là, quand il y a un dirigeant, notamment américain, qui a une influence aussi forte sur le plan politique, de manière négative, ça a une influence sur l'économie. Et puis aussi, aujourd'hui, à moins qu'Isabelle puisse pas se rendre, mais normalement, Isabelle Vaillancourt vient nous voir aussi pour parler d'isolement social, du coût social de l'isolement. Et puis, question de la semaine, on vire ça à l'envers, Jean-Claude. Ben c'est parce que souvent on souligne les anniversaires. Fait que cette année, je pense qu'on va la question qu'on pourrait soulever, c'est de qui la mort de qui soulignera-t-on le 300e anniversaire. Il y a un personnage célèbre qui est décédé le 22 novembre 1718. De qui s'agit-il? Bon, allez pas sur Internet tout de suite. Et puis, il y a l'anniversaire de l'année et la question de l'année aussi, ça, on va traiter en toute fin d'émission. C'est quoi la question de l'année qu'on a retenue et qui va continuer de nous alimenter? Hein? À quel niveau sera le Bitcoin à la fin de l'année? S'il existe encore. Oui, c'est vrai. Ça fluctue tellement que c'est bien possible. Alors, on parle de tout ça en fin d'émission. Alors allons-y, Jean-Claude, moi je m'entends pas, oui, bon, ça c'est mieux comme ça. Jean-Claude, on va commencer par ce qui va bien, soyons positifs, parce que oui, tu l'as glissé rapidement tantôt, les indicateurs économiques, quand on scanne un peu les journaux, on regarde tout ce qui a été écrit, effectivement, si on se fie ce qu'il y a devant nous, là, mon Dieu que 2018, c'est une belle année. Moi, j'ai jamais vu ça, honnêtement, depuis de mémoire d'économiste, là, depuis au moins 40-45 ans que je suis ça, c'est la première fois, je pense, qu'on voit que tous les indicateurs sont à peu près au vert. Là. Mm-hmm. On voit beaucoup dans les commentaires, autant ceux qui se prononcent sur la conjoncture québécoise, canadienne, mondiale. Tout semble aller bien. Et toutes les économies sont en mode positif en même temps. C'est souvent, ce qui arrive, c'est que ça va bien en Amérique du Nord, mais ça va moins bien en Europe, ou ça va bien en Asie, ça va mal en Amérique du Nord maintenant. Voilà, c'est les trois marchés en même temps. Tous les grands, en fait, toute la planète semble aller pour le mieux là, au point de vue économique, mais en même temps, tous les articles qu'on a lus dans les dernières semaines disent tout, pourvu que ça dure, parce qu'on sait très bien que ça ne pourra pas durer éternellement, mais reste que les investissements, si on parle notamment du cas du Canada et du Québec, les investissements ont repris, investissements privés, depuis plusieurs années. Pendant plusieurs années, au Québec, en tout cas, le secteur privé n'était pas là. Maintenant, il semble de retour. Là, c'est pratiquement le plein emploi. Au Québec, on a battu des records historiques là, au mois de décembre, si je me souviens bien. On est à 4,9% de chômage au Québec. C'est du jamais vu. Au Canada, ça va bien de ce point de vue-là aussi. Le cycle des matières premières reprend aussi. Le minerai de fer, différents autres minéraux. Et même le pétrole est en augmentation. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, dépendant si on constate l'aspect environnemental environnemental ou l'aspect économique. Mais pour le Canada, c'est, en tout cas pour l'Ouest du Canada, c'est sûrement une bonne nouvelle. Alors, mais finalement, ça va bien à peu près dans le monde. Les seuls facteurs peut-être d'inquiétude, c'est qu'il y a quelques pays là, où c'est moins évident, là, notamment la Chine. La Chine a encore un bon taux de croissance, mais il y a tellement d'indicateurs qui sont préoccupants là-bas, notamment le taux d'endettement. L'endettement des ménages puis du secteur public est très important. Les banques ne semblent pas très, très solides en Chine. Ça inquiète beaucoup. La Chine fait des efforts énormes pour lutter contre la pollution, donc ils sont obligés de fermer des usines, ralentir un peu le rythme de croissance de certains secteurs. Donc ça, c'est il faut le dire, quand on parle de la Chine, c'est parce que c'est pas mineur, évidemment. C'est un joueur majeur, incontournable même, on peut le dire. Donc, si la Chine va un peu moins bien ou change ses façons de faire, ça a un impact sur nous quand même, là. Bien, c'est la deuxième économie mondiale présentement. Puis en parité de pouvoir d'achat, c'est peut-être la première économie mondiale présentement. Donc, c'est préoccupant. Parce qu'effectivement, dans les notes qu'on voyait, on faisait des projections sur le fait que cette pollution-là fait en sorte qu'on change nos façons de faire. On va probablement diminuer le rythme un peu, ce qui fait que là, ça fait peur ici de ce côté. Et puis, on parle de dette aussi, hein, pays quand même où il faut travailler sur les dettes. 235% du PIB, je pense, la dette là, complète de la Chine. Peut-être mentionner aussi brièvement qu'il y a quand même presque tous les pays, ça va bien. Le Canada prévoit un taux de croissance de 2% à peu près cette année du PIB, mais il y a quelques pays où les perspectives sont moins heureuses, notamment le Venezuela. On prévoit moins 12%, c'est-à-dire un recul de 12% cette année. Porto Rico, on comprend un peu pourquoi, un recul de 8%. Et la Corée du Nord, recul de 1% malgré les Jeux de Pyeongchang. Oui, mais Corée du Nord, les chiffres doivent être extrêmement fiables, non? Probablement pas, mais même pour les autres pays, pour le Venezuela, où ils peuvent il peut y avoir bien des surprises. Même pour le Canada, il peut y avoir des surprises là, cette année. On va parler un peu des surprises tantôt. Si on continue sur ce qui va bien, il y a d'autres indicateurs. Tu parlais du nombre de naissances. Je ne sais pas si tu es rendu là. C'est ça. C'est-à-dire qu'après avoir parlé un peu d'économie, je vais peut-être parler de facteurs plus politiques ou plus des facteurs sociétaux. Puis ça, je trouve des choses intéressantes. En tout cas, d'un point de vue environnementaliste, le nombre de naissances mondiales commencera à baisser en 2018. C'est-à-dire que c'est... Tu dirais ça de projection, le fait par notre revue favorite, là, l'économiste. Oui. Le nombre de naissances, pour la première fois, va commencer à baisser en 2018. Donc, on est en train de plafonner au point de vue démographique, ce qui est une bonne chose, probablement, au point de vue environnemental. Une chose, c'est une nouvelle très ponctuelle, mais moi, je trouve ça intéressant, c'est le Royaume-Uni va imposer une taxe sur le sucre, sur les liqueurs douces, les boissons gazeuses, à partir du mois d'avril de 2018. Il va collecter 683 millions avec ça. Ça devrait donner des idées peut-être à nos politiciens qui, parfois, sont en manque d'argent. Je signale que la France le fait déjà. Donc, c'est pas une hérésie que de taxer les boissons gazeuses. En termes de santé publique, ça pourrait être une bonne mesure. Une nouvelle qui va passer peut-être inaperçue, mais un peu dans le même... domaine, finalement, c'est que la ville de New York va poursuivre les pétrolières. En fait, ça a été annoncé cette semaine. Ça, je trouve ça intéressant. C'est qu'une grande... Là où il manque de leadership, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la présidence américaine, les villes ou les États prennent le relais, et notamment la ville de New York, qui est quand même pas la dernière venue, a annoncé cette semaine, le maire a annoncé qu'elle allait poursuivre les pétrolières pour les dommages environnementaux causés. Donc, tous les problèmes que les changements climatiques, en termes de tempêtes, en termes d'ouragans, tous les problèmes et les coûts que ça occasionne à la ville de New York. Ça, je trouve ça intéressant, et ça pourrait peut-être commencer, si d'autres villes emboîtent le pas, moi, je trouve une nouvelle importante et encourageante parce qu'on commence à trouver des moyens de faire pression sur les pétrolières pour qu'ils soient responsables et qu'ils payent les prix des pots cassés, des pots qu'ils ont cassés, finalement. Rapidement aussi, il y a la fin de la polio. Oui, mais ça aussi, c'est une nouvelle un peu... Nous, on l'a un peu oublié au Québec parce que c'était des années 50-60, la poliomyélite. Mais il y aurait de la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on prévoit... On prévoit que ça va être un fléau, en fait, une maladie qui va être complètement éradiquée de l'humanité. Je termine dans quelques secondes en vous lisant justement sur ce ton très jovialiste finalement qu'on a, qui n'est pas habitué d'avoir, un texte de François Brousseau, de mieux en mieux, toujours mieux, le monde va toujours mieux. Cela n'est pas une blague. Au seuil de l'année 2018, malgré l'interminable guerre de Syrie, les bombardements saoudiens au Yémen, malgré le chaos et la folie à la Maison-Blanche, malgré les inquiétantes menaces nucléaires de Donald Trump et de Kim Jong-un, malgré les craintes sur le changement climatique et le cri d'alarme de 15 000 scientifiques, malgré les paradis fiscaux, la montée des inégalités et l'isolement superbe des ultra-riches, jamais, Jamais dans l'histoire, autant d'êtres humains en chiffre absolu comme en proportion du total n'ont eu accès à l'éducation ou aux communications. Jamais autant n'ont mangé à leur faim ou disposé d'un toit. Jamais les grandes maladies qui ont ravagé l'humanité dans les décennies et les siècles précédents n'ont autant reculé quand elles n'ont pas disparu. La variole, disparue, mortalité infantile, en recul, scolarisation des filles, ça s'améliore. Bref, on y reviendra certainement, mais pour ce début d'année, constatons l'incroyable, constant et souvent invisible progrès de l'humanité qui, malgré tous les drames, se poursuit jusqu'à ce jour. Sniff, sniff. Alors maintenant, on a parlé de ce qui va bien, on va parler de ce qui va moins bien aussi, parce que c'est sûr que si les économistes s'intéressent aux choses qui vont moins bien, c'est parce qu'on essaie de travailler sur ce qui va pas bien. Ce qui va bien, ça va bien. Ouais, c'est ça. Donc, parlons de ce qui va mal. Évidemment, il y a des choses qu'on surveille, nous, étroitement, ce qui se passe beaucoup avec les États-Unis. Ben oui, là, ce qui va mal, c'est surtout dans un contexte québécois et canadien, puis c'est notamment les conflits commerciaux avec les États-Unis. Là, on dirait quasiment maintenant, toutes les semaines, il y en apparaît un nouveau. Ouais. C'est-à-dire, cet automne, il y avait le conflit entre Boeing et Bombardier. Il y a eu le bois d'œuvre. Par la suite, une décision de pénaliser l'exportation de bois d'œuvre aux États-Unis. Le papier journal est entré a subi le même traitement finalement cette semaine et une décision du département du commerce américain qui veut imposer des droits compensateurs sur les exportations de papier journal à partir d'une plainte qui semble un peu farfelue d'un petit producteur de papier journal américain. Puis on apprenait, je pense, hier que le sirop d'érable était même menacé au niveau du marché californien. Oh non! Prétendument parce qu'il y a du plomb dans le sirop d'érable exporté. C'est comme si ça finissait plus. C'est comme si les Américains ne voulaient pas nous laisser vendre quoi que ce soit aux États-Unis. Bien, ça lui mettrait du plomb dans la tête, ça ferait du bien. Puis, par contre, je pense que ça commence à préoccuper. On sent que la menace de fin de l'ALENA, là, ça commence à préoccuper notamment le personnel politique et les milieux d'affaires au Québec et au Canada. On l'a senti depuis quelques jours parce que la rumeur circule à l'effet que M. Trump le mettrait fin à l'entente, à l'accord commercial de l'ALENA. En fait, ça reste à voir. Les économistes qui sont penchés là-dessus, j'ai encore regardé des choses récemment. La plupart des gens disent, l'effet sera peut-être pas si dramatique que ça, parce que dans le fond, les tarifs douaniers aux États-Unis sont pas très élevés, mais sauf que, je reviens un peu sur la nouvelle précédente, c'est que, sauf que là, ils mettent quand le tarif est pas élevé, ils mettent des droits compensateurs sur les affaires qui font vraiment mal, comme le papier journal, puis la C-Series, puis le sirop d'érable. C'est ça, c'est qu'il y a des décisions concrètes qui ont un impact. D'ailleurs, dans les articles qu'on pouvait lire par rapport à ça, dans la presse notamment, effectivement, on citait l'ALENA comme étant le risque numéro un. En même temps, on disait, ça peut être un choc pour l'économie, lit-on ici, mais de quelle ampleur, on ne le sait pas. Nos études indiquent que ce ne serait pas la catastrophe. Ils ajoutent que les économies canadiennes et américaines sont tellement interconnectées, ça me rappelle tellement ce qu'on disait à l'émission, que les échanges continueraient de toute façon si l'accord disparaissait. L'impact pour l'économie canadienne serait donc limité, mais... Et c'est le mec qui est intéressant. Mais là, on est dans les arguments rationnels parce qu'on souligne que la politique doit être prise en compte, surtout avec l'administration en place actuellement aux États-Unis. Et là, il n'y a plus rien de rationnel. C'est ça qui fait qu'on est obligé de se poser des questions auxquelles on ne peut même pas répondre. Bien, c'est parce qu'on a l'impression présentement qu'il suffit que n'importe quelle entreprise aux États-Unis se plaigne auprès du ministère du Commerce, le département du Commerce, puis là, ils vont mettre une enquête contre le produit qui vient du Canada. Fait que c'est quand même assez inquiétant. Là, t'es à la merci de n'importe quelle demande plus ou moins farfelue, finalement. Là, il y a des chiffres intéressants aussi par rapport à la viande. Oui, bien, un peu comme on l'a fait pour ce qui allait bien. On ne se limitera pas à des choses carrément là, de conjoncture, mais plus des questions de mode de vie ou de façon de société, finalement. Oui, la consommation des records, puis ça, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, c'est la consommation de viande bat des records aux États-Unis, en tout cas. Peut-être au Canada, on n'a pas de chiffres sur le Canada ou l'Europe, mais ça va atteindre 222 livres par personne aux États-Unis en 2018. Je sais pas si tu sais, mais 222 livres, c'est le poids d'un joueur de football, ça. Puis c'est une moyenne, t'as vu, t'as inclus les enfants et les vieillards là-dedans. Vous comprenez bien, là, le consommateur moyen va se taper plus de 220 livres au cours de la prochaine année de viande rouge ou de volaille en même temps. C'est effectivement énorme, ce qui surpasse le record qui avait été établi en 2004. C'est et ça, de la viande, bon, ça veut dire il y a question de santé, puis question de pollution, c'est l'utilisation de l'eau, etc. C'est pour ça que je le mettais plutôt dans les choses qui vont mal, oui, parce que ça peut être préoccupant pour l'environnement. Un peu dans le même domaine, on va battre un autre record en 2018, un record désagréable, 50 millions de tonnes de déchets électroniques en 2018. En 2018, 50 millions de tonnes. En 2012, il y a seulement que 6 ans, c'était 40 millions de tonnes. Donc, une augmentation là, de 25 % en 6 années seulement. Et ça, c'est surtout des téléphones portables. Ouais. Puis ça, on reviendra peut-être un peu là-dessus tantôt. C'est des compagnies comme Apple là, qui s'organisent, qui s'ingénient à faire en sorte qu'au bout de 3 ou 4 ans, ton téléphone n'est plus bon. Puis là, tu le mets à la poubelle. Donc, ça augmente. Puis les déchets électroniques, on sait que c'est très dommageable. C'est très dommageable pour l'environnement et même dangereux. Puis un peu dans la même idée, le nombre des véhicules utilitaires sport ils prennent la pole position, c'est-à-dire qu'en 2017, parmi les véhicules vendus au ménage, il y en avait 49 % qui étaient des véhicules utilitaires sport. La bonne ou la mauvaise nouvelle, selon les goûts de chacun, ça va monter à 51 % en 2018. Donc, les véhicules utilitaires sport deviennent le type de véhicule le plus vendu en 2018. Doit-on s'en réjouir? Si on est environnementaliste, je dirais que non. Non, mais quand il y a de neige, qu'il faut se stationner dans une ruelle mal déneigée, là, le VUS, on le trouve bien le fun. Disons qu'à Québec, on a une bonne excuse, disons. Je me sens, ben, je me défends un peu. Bien sûr, si on continue, on serait rendu perturbation. Est-ce qu'on est là? Oui, c'est ça. Ben là, on a dit des choses qui allaient bien, des choses qui allaient moins bien, mais il y a surtout des facteurs, des impondérables. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être facile de prévoir la consommation d'air aux États-Unis, mais il y a le comportement de M. Trump, on en a parlé tantôt, ça, c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Puis il y a des choses qu'on sait, on en a parlé beaucoup cet automne, des facteurs comme l'endettement des ménages. Il faut se rappeler que le Canada, présentement, c'est le champion mondial de l'endettement des ménages. C'est une catégorie où être champion mondial, moi, je ne suis pas sûr. C'est pas une belle catégorie. Et ce qui est particulier, c'est que dans la lecture des différents commentaires, moi, je lisais des deux commentaires complètement opposés, à savoir, on va continuer comme ça, puis il y en a qui disent non, au contraire, on va revoir nos façons de faire. Il y a des chances que les ménages ne poursuivent pas sur la même lancée. Moi, je suis pas certain qu'on va ralentir l'endettement. Ben, franchement, je serais étonné de ça. Ben, honnêtement, ça fait quand même 4 ou 5 ans au moins, là, de mémoire, qu'on sent ça comme un problème, mais ça a continué de croître, au Canada. L'élastique étire encore. Ce qui va arriver, puis ça, l'autre facteur perturbateur du vœu est très relié à l'endettement, c'est que la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est très, très prévisible à cause que le chômage est très, très bas. Parce qu'on veut ralentir l'économie, on commence à avoir un peu peur d'une reprise de l'inflation. Donc, la Banque du Canada doit annoncer, là, je pense que c'est mardi ou mercredi prochain, on s'attend à ce qu'elle annonce une hausse du taux d'intérêt ou du taux directeur. Donc, les taux d'intérêt vont commencer à augmenter au Canada. Aux États-Unis, la même chose. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça peut influencer l'inflation quand la Banque du Canada intervient? Bien, la Banque du Canada va augmenter ses taux d'intérêt, dans le fond, pour ralentir justement un peu l'endettement, puis faire en sorte que les gens soient moins portés à consommer, parce que plus qu'on consomme, plus ça crée une demande pour les biens et services de toute nature. Donc, les prix augmentent. Puis les prix augmentent parce qu'on veut un peu écrémer la demande, c'est-à-dire on en profite pendant qu'il y a une forte demande. Donc, ça peut être un facteur. Ça peut être un facteur via aussi la consommation des biens durables, comme le logement, les maisons. Puis on sait aussi que ça a une influence notamment sur les salaires, parce que quand ça va bien, les salaires sont à la hausse. Donc, ça contribue aussi à l'inflation. Donc, on se dit, pour pouvoir contrôler ça, les taux d'intérêt peuvent être utiles. Oui, exactement. Bien, c'est de l'ensemble. On veut agir, dans le fond, et sur les entreprises et sur les consommateurs, en ralentissant un peu leur dépenses ou leurs investissements pour créer une pression moins forte sur les biens et services, donc ralentir la croissance des prix. Ça, dans les notes, si je t'arrête quelques secondes, quand on parle de ça, de ces risques, en fait, c'est ce qu'on attend par rapport à la hausse, les hausses prévues de la Banque du Canada, on dit que à force de supposer les risques avant d'augmenter ses taux, la Banque centrale risque de réagir trop tard à une surchauffe de l'économie et une flambée de l'inflation. Le coup de barre serait alors plus brutal et plus dur à encaisser pour l'économie. Donc, on aimerait qu'ils agissent d'abord, tranquillement, prudemment, pour éviter que justement qu'on se ramasse devant un problème qui est plus gros. Et on indique également, le numérique permet des gains de productivité tellement grands que l'inflation, il n'y en aura plus comme avant. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu... Ouais, genre, ben, OK, ouais, c'est possible, à quelque part. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça montre comment le travail de la Banque du Canada ou de la Banque fédérale aux États-Unis est difficile parce qu'il faut quasiment qu'ils anticipent un an ou un an et demi d'avance le comportement de l'économie parce que les comportements sont lents à s'ajuster. Donc, il faut agir maintenant pour avoir un effet dans 18 mois ou dans 2 ans. Donc, on comprend que la hausse du taux d'intérêt, c'est quelque chose qu'on va suivre et qui est intéressant. Outre cela, il y a la bourse, la chute boursière, c'est hypothétique aussi? Bien, encore là, il y a beaucoup d'observateurs, moi le premier, mais on s'est trompé depuis une couple d'années là-dessus, mais qui anticipe bien depuis une couple d'années maintenant la fin du cycle boursier amorcé en 2009. L'économie mondiale, là, ça va faire bientôt une dizaine d'années à pas que la bourse un peu partout dans le monde va bien, est en progression. Puis par expérience, historiquement, on sait que les récessions là, générées par la bourse ou par les banques du Canada, les banques centrales, ça arrive à peu près à toutes les 8 ou 10 ans. On serait pas mal dû pour une bonne crise. Là. Oui. Puis oui. Si c'est pas en 2018, c'est peut-être en 2019 ou en 2020, mais tôt ou tard, ça devrait arriver. Donc ça, c'est les facteurs perturbateurs. Ça pourrait être accéléré par des facteurs politiques. Si on a le temps d'en glisser un mot, là, il y en a plusieurs, des facteurs politiques ou autres là, qui peuvent intervenir. La Corée du Nord, le Venezuela, l'Iran, on en parle pratiquement c'est tous les jours. C'est une grande question, ça, parce que notamment la Corée du Nord, encore là, parce qu'on est en face de leaders politiques qui sont imprévisibles, qui sont difficiles à jauger, donc on peut bien s'amuser à dire que Kim Jong-un et Donald Trump, pour l'instant, se mesurent le bouton. Il reste que ce serait assez étonnant que ce soit, on se rende à l'extrême, disons ça comme ça. Mais en même temps, on est obligé de dire, ben, peut-être. Ça reste une crainte. En tout cas, les économistes, les gens du milieu de l'économie sont craintifs. Moi, c'est plus le domaine politique, mais moi, je suis plus inquiet par le Moyen-Orient puis par l'Iran notamment, parce que c'est des économies beaucoup plus importantes. Puis on a l'impression que M. Trump, parfois, fait l'exprès là, pour semer la zizanie en attaquant avec son déménagement de l'ambassade en Israël ou en voulant répudier l'accord avec l'Iran. C'est comme s'il faisait exprès pour semer le bordel au Moyen-Orient. Et ça peut être beaucoup plus inquiétant. Et moi, un facteur, par contre, de politique, ou pas politique en réalité, mais plus un peu haute, là, c'est le cyberterrorisme et le cyberpiratage. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce qu'on a eu un aperçu cette année, en 2017, avec WannaCry. Là. WannaCry, c'est une espèce de rançonneur, finalement. C'est-à-dire qu'il bug les systèmes d'une grande compagnie. Alors ça, il leur dit, si vous voulez qu'on remette en marche votre système informatique, donnez-nous telle ou telle rançon. Ils ont récolté 150 millions en rançon en 2017. Puis la firme McAfee, qui est spécialiste dans la protection des systèmes. On parle du McAfee, là, du McAfee. Non, McAfee, oui. Les autres, ils prévoient que ça va donner comme un service. C'est un peu comme dans la PEG, dans la mafia, il y a des tueurs à gages. Il y aurait des pirates à gages en matière informatique. C'est-à-dire, tu les engages pour qu'ils sèment le bordel dans le système de ton concurrent, le système informatique de ton concurrent. Et c'est une façon, là, finalement... On le veut un peu en politique aussi. Là, on soupçonne de plus en plus M. Poutine d'être intervenu dans les élections aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, il y a une espèce de phénomène de piratage en informatique qui est inquiétant aussi, qui pourrait faire déraper l'économie ou faire déraper les systèmes démocratiques. En quelques secondes, pénurie de main-d'œuvre, est-ce que tu... parce que je sais que sur le plan local et même national, ça semble quelque chose d'assez considérable. Oui, effectivement, ça a été mentionné par plusieurs observateurs comme étant un des facteurs de risque l'économie canadienne et québécoise. Je pense que c'est plus un facteur qui peut mener à l'inflation, finalement, qui peut être générateur d'inflation. Oui. Tu l'as mentionné, tu l'as rappelé tantôt. C'est peut-être via cet élément-là. Parce qu'autrement, on avait parlé cet automne dans une émission un peu là-dessus. Ça pourrait inciter les entreprises à substituer les travailleurs par des machines, des robots, finalement. On fait effectivement. On fait une courte pause là-dessus. On revient dans quelques instants parler des choses à surveiller, dont Amazon, hein, dans quelques instants. C'est l'émission Économophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier avec Guérit d'horreur à la mise en onde. Ce sont nos perspectives 2018 et Jean-Claude, on est maintenant rendu aux choses à surveiller et un des éléments considérables. Et moi, je trouve ça fascinant et frustrant à lire, c'est Amazon. Oui, ben, son Amazon, siège social. En fait, c'est ça. C'est que ça, je trouve que c'est très symptomatique. C'est très révélateur comment l'économie et comment la politique a évolué. C'est qu'Amazon a lancé une espèce d'appel d'offres. Je ne sais pas, ça doit faire un an et demi. Je ne sais pas trop. On ne l'a pas trop vu démarrer, celle-là. Mais ils ont dit on veut implanter un deuxième siège social. C'est quand même plusieurs milliers, des dizaines de milliers d'emplois, des emplois très bien payés. Et ils ont fait un appel d'offres en Amérique du Nord. Et on l'a appris. Moi, je l'ai appris en tout cas par Montréal. Montréal, à l'époque du Mercado. Déposer une candidature, mais il y a 235 villes en Amérique du Nord qui ont déposé une candidature pour avoir le siège social d'Amazon. Et moi, je trouve ça très, très... Puis il y en a qui font un peu pitié là-dedans. Porto Rico qui a présenté une demande. Détroit a présenté une demande. Puis là, ce qui est un peu triste là-dedans, c'est que Détroit est obligé de les annoncer. Puis pas juste Détroit, là, je ne suis pas monsieur comme Montréal a fait des affaires semblables. Est obligé de dérouler le tapis rouge, là, c'est-à-dire... En rouge avec des diamants de chaque côté. On rabais d'impôts pendant des années. On va donner des terrains gratuits. On va compenser une partie du coût de la main-d'œuvre. C'est vraiment le capitaliste triomphal, là. C'est-à-dire que c'est toi qui fait chanter les gouvernements, finalement, qui les met en concurrence les uns avec les autres. C'est vraiment incroyable. C'est plutôt qu'avoir des gouvernements qui disent aux compagnies, voici ce que vous allez devoir respecter. Là, c'est les compagnies qui disent, qu'est-ce que vous avez offré? Puis moi, je vais dire une affaire, David, là. Ça me fait beaucoup penser à toi. Je ne rapporterai pas. Ça me fait beaucoup penser au Nordique, mais je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais Le chantage, oui. Non, mais je suis presque sûr que Amazon sait depuis très longtemps où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils se sont dit, on va y aller, mais on va mettre en compétition, en concurrence, les villes les unes avec les autres. C'est mon argument par rapport à Seattle, notamment. J'ai toujours dit ça en disant que, regarde, c'est très utile à la Ligue nationale d'avoir le Québec comme perspective, tout en n'ayant jamais l'intention de ramener un club ici. Je veux juste vous lire un petit passage pour appuyer ce que tu dis depuis tantôt par rapport à Amazon. C'est dans la presse, vous pourrez le trouver le 3 janvier, hein. André Dubuc qui a écrit là-dessus. Montréal est-elle encore dans la course, c'est la grande question. Donc, une liste préliminaire de 20 à 30 villes retenues par analyse approfondie doit sortir en 2018. Au départ, les villes l'attendaient avant la fin de 2017, mais comme il y a eu plus de villes candidates que prévu, cette étape a été repoussée à 2018. Amazon cherche une ville pour y loger 50 000 employés, avec un salaire moyen de 100 000 $US, dans des immeubles d'une superficie de 8 millions de pieds carrés, un investissement total de 5 milliards. Par ailleurs, la réforme de la fiscalité américaine qui vient d'abaisser le taux d'imposition des revenus des sociétés à un niveau similaire au taux moyen en vigueur au Canada élimine un argument en faveur des candidatures. Alors, si vous rêvez là, des candidatures des villes canadiennes, on pense qu'Amazon va choisir une ville où les jeunes travailleurs vont avoir envie d'être. Toute la trame narrative du document de 160 pages de Montréal International, ben, c'est ce qu'on défend comme argument. Mais dans l'article, on dit quoi qu'en pensent les représentants de Montréal International. Montréal aura fort à faire pour passer à l'étape suivante. Son nom n'est jamais mentionné parmi les candidatures jugées favorites. On parle d'Atlanta, Washington, Austin, Boston et New York. Et du côté des parieurs, allons-y, Atlanta et Austin apparaissent comme étant les villes favorites à 3 contre 1. Toronto est à 16 pour 1, Vancouver à 50 pour 1. La cote de Montréal n'est pas affichée sur le site de je trouve ça quand même amusant. Alors, vous pouvez toujours rêver. Les rares informations rendues publiques, d'ailleurs, en provenance de villes américaines, prouvent que la concurrence est vive. Congé de taxes de 30 ans, dont terrain, incitatif financier qui dépasse le milliard. C'est du délire. C'est presque scandaleux. Au point de vue démocratique, en tout cas, moi, je trouve ça pitoyable comme façon de faire. Puis on embarque là-dedans. Puis c'est curieux, il n'y a aucun commentateur au Québec qui s'est scandalisé de ça depuis que M. Coderre a annoncé la candidature de Montréal. Et bon, c'est ça. Alors, les choses peut-être plus agréables à surveiller. Le salaire minimum en Ontario, oui. Ça va être intéressant de regarder si ça a les effets. On sait que ça a été contesté. On a même nous-mêmes eu une émission là-dessus cet automne. Ça va être intéressant de voir si ceux qui annonçaient un cataclysme, des catastrophes en Ontario, si ces catastrophes vont se manifester. Nous, on a fait un peu le pari à l'émission aussi à cet automne que probablement que probablement que l'apocalypse ne sera pas au rendez-vous. Là, ben, si on y allait de manière progressive, c'est ce qu'on disait, on ne voit pas pourquoi ça arriverait. D'ailleurs, il y avait des articles publiés cette semaine qui tenaient ce discours-là, qui parlaient notamment de l'Alberta, où ça s'était fait, puis il n'y a pas eu le cataclysme qu'on attendait pour différentes raisons. Marquez bien, il faut en tenir compte. Portland aussi, c'est arrivé. Exact. Alors, ça va être intéressant à surveiller parce qu'on sait que le dossier, on avait parlé cet automne, comme je disais tantôt, mais il a repris on dirait que le dossier a repris de l'intérêt cette semaine, peut-être parce qu'en Ontario, c'est entré en fonction. Oui. Puis peut-être aussi parce que les milieux d'affaires au Québec redoutent que le gouvernement du Québec puisse accélérer la progression du salaire minimum. C'est pas le signal qu'envoie Philippe Couillard, en tout cas. Non. Pas vraiment. Ça va être intéressant de surveiller le marché de la marijuana aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça. Qui devraient entrer en fonction là, cet été. Oui, parce qu'il y a des revenus anticipés, mais encore là, moi, je trouve qu'on est dans le brouillard, on est dans la fumée. Ben, c'est le cas de le dire, oui. Oui, parce que ça va être intéressant de voir effectivement où va se localiser la production, puis quelle sorte de recettes ça va générer, puis en fait, c'est un peu... Pour moi, c'est pas un dossier économique majeur, là, mais c'est quand même, c'est plus un dossier politique qu'économique, mais ça va être intéressant de voir parce qu'on a introduit du jour au lendemain un nouveau marché, finalement. Ouais. Ça va être intéressant de voir comment ça entre en jeu. Des gens avec lesquels je discutais me disaient, ouais, mais tu sais, ceux qui ont leurs habitudes, si les prix, par exemple, de marijuana sont plus élevés dans ce qui est officiel plutôt que ce qu'il ne l'est pas, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vraiment changer d'habitude pour pouvoir payer plus cher pour le plaisir de se dire qu'ils sont légales? C'est un pari, là. Il y en a qui vont le faire. Ben, il y en a d'autres qui le feront pas. Pour un microéconomiste, ceux qui s'intéressent, comment les prix, par exemple, la fixation des prix, ça, c'est intéressant. À quel niveau quel prix va se stabiliser? Puis le gouvernement va-t-il mettre des taxes là-dessus? Puis, c'est parce qu'effectivement, il ne faut pas encourager le marché noir. Au contraire, c'est peut-être un des principaux avantages de légaliser la marijuana que de couper l'arbre sous le pied au crime organisé. Oui. Sauf que c'est une question de tarifier de prix, là, comment est-ce que ça va jouer. Effectivement. Ensuite, prix du pétrole, évidemment surveiller, oui. Oui, mais ça, ça montre des fois comment c'est difficile de faire des prévisions, parce que des économistes, que j'estime beaucoup, il y a à peine 2 mois, prévoyaient une stabilité. C'est-à-dire, on disait, le prix du pétrole va... Le Brent, là, le pétrole européen puis du Moyen-Orient, était prévu à 54 $ en 2018. Ce qui était encore très bas par rapport à ce qui était en 2012. En 2012, il était à 112 $. Donc, on peine à retrouver le niveau de 2012. Par contre, je voyais cette semaine, toujours dans The Economist, que là, il est déjà rendu à 70 $, le Brent. Fait que même The Economist, dans un espace de 2 mois, s'est complètement trompé sur la progression du prix du pétrole. En Amérique du Nord, nous, c'est le WTI, le West Texas Intermediate. Il est un petit peu moins cher que le Brent, mais encore là, on est autour de 70 $ présentement. Donc, le pétrole, le baril de pétrole, qu'on soit en Europe, qu'on soit au Moyen-Orient, qu'on soit en Amérique du Nord, est en hausse présentement. C'est comme le Bitcoin, comment sera-t-il à la fin de l'année? En tout cas, ça fluctue moins, mais on sait que, par exemple, il peut y avoir des catastrophes naturelles ou des guerres qui peuvent changer les choses de manière plus importante, mais encore là... Moi, je pense que, écoute, je vais faire un petit peu de politique, là, mais je pense que le Venezuela, le monde, il n'y a pas grand monde qui réalise ça, mais le Venezuela, c'est la principale réserve de pétrole au monde. Mmh. Présentement, là, je pense que on est en train de faire il y a des fortes chances que le gouvernement de gauche de Maduro doive céder la place tout autant. En tout cas, il y a beaucoup de pression pour le déstabiliser. Et ça veut dire qu'on va récupérer. Les pétrolières vont récupérer là, une masse pétrolière extraordinaire. Avec joie. Fait que je pense qu'on est loin... Ce qui va baisser le prix. Oui. OK. Puis en terminant ces volets de prédiction, les politiques à surveiller... Oui, sûrement il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Et ça, je ne sais pas. Je sais pas si ça va se produire en 2018, mais moi, je rêve de gouvernements courageux, comme il y avait des gouvernements il y a 100 ans, pour contrôler les nouveaux monopoles. Il y a 100 ans, Theodore Roosevelt aux États-Unis a introduit les droits anti-dumping pour contrôler les monopoles de l'époque dans le domaine du pétrole, de l'aluminium, de l'acierie. Maintenant, les monopoleurs, c'est Google, c'est Amazon, c'est Apple, c'est Netflix. Et ça, présentement, il y a un mouvement qui vient de commencer en Europe pour qu'on mette en mesure, qu'on contrôle ces nouveaux monopoles-là, qui, dans le fond, extorquent un peu le public, posent des problèmes au niveau de l'information, peuvent avoir une incidence sur la démocratie aussi. Alors, moi, je rêve de gouvernements qui auraient le courage de dire, ben là, on peut pas se permettre des monopoles dans ces domaines-là, donc commencer à fractionner Google, Amazon, puis tout ça, mais ouais, oui. c'est pas facile à faire. Oh, moi je pour ça, je suis derrière toi à 100%, mais c'est parce qu'il peut y avoir des volontés européennes ou même canadiennes, mais américaines, c'est moins évident, ce qui veut dire que ça peut être assez difficile. Non, je pense que c'est un peu rêvant couleur, mais reste que les milieux qui sont un peu sensibles à ça, comme The Economist, a encore fait des éditoriaux là-dessus il y a quelques semaines pour dire là, c'est une menace pour la santé du capitalisme, parce que c'est jamais bon qu'un secteur complet soit contrôlé par une seule entreprise. Donc, peut-être que ça se fera du repas en 2010, mais tôt ou tard, il va falloir en arriver là. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ce tour d'horizon, ces perspectives 2018. On va se donner un petit peu de musique pour souffler quelques instants, puis tout de suite au retour, c'est Isabelle Vaillancourt avec nous. Alors, c'est à nous? Si je me trompe pas, bien allons-y tout de suite. Ouais, ben c'est bon. Regarde, j'avais même pas mes oreilles. Qu'est-ce que je te dis? Isabelle, bonjour. Bonjour. Bonne année à toi. Vous aussi. N'est-ce pas content de te retrouver avec nous? Certainement. Avec cette chronique pour parler d'isolement social. J'ai fait la blague facile en disant, mon Dieu, il fait moins 25, c'est le moment de parler d'isolement. Mais ça n'a rien à voir. C'est des questions économiques et des questions plus profondes que ma mais blague. Mais ça a quand même à voir, finalement. Tu vas voir qu'au fil de la chronique, on va comprendre que ça a quand même un lien. L'hiver, c'est pire, là. Vous savez que le projet Ça marche doc sur lequel je travaille essentiellement, en fait, c'est des chroniques, en fait, c'est des émissions de télé que je vais avoir le plaisir d'animer à partir de janvier à ma TV. Oui. Donc, c'est des émissions de télé, mais c'est aussi des marches hebdomadaires avec des médecins qu'on fait à toutes les semaines. Et essentiellement, en fait, on parle des maladies qui sont en lien avec l'aménagement des villes. Et il y a quelques semaines, on a traité d'isolement social à l'émission et je me suis rendu compte que ça préoccupait beaucoup de personnes, ne serait-ce que dans les marches, ne serait-ce que sur notre page Facebook, on avait des commentaires. Et ça m'a fait penser, il y a quelques années, un dossier que j'avais couvert comme journaliste. C'est une dame qui était décédée et on avait retrouvé son corps seulement 3 semaines après. Et à l'époque, on avait fait des émissions de télé et tout ça, puis on se posait la question, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est un phénomène qui est fréquent? Et je me suis rendu compte dernièrement, en fait, que non seulement c'est actuellement fréquent, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Plus la population est vieillissante, plus ça prend de l'ampleur. Et en fait, j'ai quelques chiffres pour vous, là, brièvement. Et ça, c'est tiré d'un article qui est formidable, si ça vous intéresse. Ça s'appelle « Toxique solitude ». Ça a été publié l'an dernier à pareille date à peu près dans la Presse Plus. Donc, si ça vous intéresse, j'ai quelques statistiques qui sont tirées de cet article-là. Donc, le tiers des ménages québécois est aujourd'hui composé de personnes seules. Au Québec, il y a une personne sur 12 qui dit n'entretenir aucune relation d'amitié. Et évidemment, on parle de vrai, on parle pas de Facebook, là. Non, on parle de vrai, là. On parle de vrai. Et chez les aînés, c'est pire encore. En fait, un aîné sur 5 n'a aucun ami proche. Et chez les jeunes aussi, ça existe parce qu'on peut penser justement avec les réseaux sociaux que c'est un phénomène qui n'existe pas. C'est une étude dont les résultats ont été publiés à la fin de 2016. Chez 43 000 étudiants canadiens, on les a sondés. En fait, il y a 2 étudiants sur 3 qui disaient s'être sentis très seuls dans la dernière année et près du tiers dans les 2 semaines qui précédaient le sondage. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est très important. C'est fascinant parce que je faisais la blague avec Facebook, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on fait semblant qu'on noue des liens d'amitié. J'ai 500, 1000, 1500 amis. C'est pas vrai. C'est encore pire. C'est ça. Ce qu'on voit, c'est que l'isolement, là, c'est en croissance. Là. Puis Facebook, ça augmente le sentiment, ça exacerbe le sentiment de solitude. Et bon, évidemment, on vient de voir les conséquences sociales chez les gens, ce qui est dramatique, mais aussi, c'est un coût pour la société en soins de santé, en frais médicaux, en frais d'hospitalisation. Et il y a dans l'article de la presse, il y avait même des observateurs qui osaient même dire que c'était une épidémie, que c'est aussi toxique cigarette, puis ça peut même être aussi néfaste que l'obésité. Donc, on a eu le bonheur aussi à l'émission de rencontrer un monsieur formidable, c'est un médecin conseil, André Tourigny, qui est à l'Institut national de santé publique, mais qui est aussi co-directeur de l'Institut sur le vieillissement. Et ce qu'il nous disait un peu, lui, c'est que l'isolement agissait de deux façons. C'est-à-dire que d'abord, les gens, évidemment, qui sont isolés socialement, sont moins enclins à avoir des bonnes habitudes de vie. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont fumer, pas tout le monde, mais ils sont plus enclins à être des fumeurs. Aussi, ils vont moins bien s'alimenter, mais aussi, ils vont être beaucoup moins actifs. Le transport actif, se déplacer, ils vont beaucoup moins sortir. Ça, c'est un peu la première catégorie. Oui, parce que on est des êtres humains, tu sais, on l'a sûrement dit souvent dans la vie, dans nos familles, tu sais, on va y aller, viens, je vais te motiver, on va aller marcher ensemble. C'est beaucoup plus motivant que de dire, bon, ben, faut que j'aille faire mon 20 minutes. Même manière, de dire, je vais me faire une bonne bouffe santé, je vais prendre soin de moi, faire ça pour sa famille, pour son conjoint, ses enfants, c'est beaucoup plus motivant. Moi, je comprends cet argument-là. C'est pas mineur comme argument. Absolument pas. Et ça a un impact sur ta santé parce que tu manges moins bien, tu sors pas, tu prends du poids, et le moral des péri aussi. Absolument. Ça nous arrive à tout le monde. Je veux dire, c'est même si on n'est pas une personne âgée ou on a une famille, ça nous arrive à tout le monde. Fait qu'imaginez si on a d'autres facteurs qui sont plus encore à risque. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est vraiment, je vous dirais, là, c'est un argument massu, tonne de briques, c'est-à-dire que l'isolement social, et ça c'était dans l'article de la presse particulièrement, l'isolement social et l'ennui sont associés à une hausse du risque d'infarctus de 29 % et à une hausse du risque d'AVC de 32 %. C'est vraiment pas négligeable. Donc, ça veut dire, là, frais d'hospitalisation, visite chez le médecin, on va à l'urgence, donc c'est vraiment c'est un impact qui est énorme. Qui est concret, qui est 100% concret, là, si on n'est pas dans l'esprit, dans le vue de l'esprit. Est-ce que tu es rendu aux solutions? Oui, absolument. Parce que, bon, maintenant qu'on a fait un portrait qui est assez déprimant, disons-le comme ça, il y a quand même des choses à faire, bien entendu. Certainement, et ça, c'est vraiment l'esprit de SamarchDoc. Puis dans l'émission de télé qu'on a fait sur l'isolement social, si ça vous intéresse, là, samarchdoc.org, on a toute une série de solutions, on a rencontré des urbanistes et tout ça. Et la première solution, je vous dirais, qui ressort particulièrement, c'est l'aménagement des villes. Hein? C'est-à-dire que... Tiens donc! assurer l'accessibilité des commerces et des services au quotidien. C'est la base. Ouais. Si vous avez rien, si vous vivez dans un désert, ça vous donnera pas envie de sortir. Si vous habitez près de la 3e avenue, là, à ce moment-là, on parle de 800 mètres. Hein? C'est quand même pas mal pour une personne âgée. Donc, il faut qu'il y ait des commerces de proximité qui soient accessibles, sécuritaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des traverses piétonnières, qu'on se sente bien, qu'il y ait des transports en commun, aussi qu'il y ait des bains ou des toilettes si on sort un peu plus longtemps. Et vous le savez, mon cheval de bataille, j'en reviens pas encore. C'est le déneigement. Quand je me suis envenue ce matin, je veux dire, c'est difficile. Imaginez, vous êtes une personne de 75-80 ans à la maison. Est-ce que vous avez envie de sortir ce matin? Vous avez peur de vous briser une hanche? Vous avez peur de... Fait que c'est vraiment super important d'avoir des services... accessible, mais aussi bien entretenu. Et l'autre solution, qu'on la connaît quand même un peu, c'est créer puis favoriser des espaces verts. Écoutez, c'est un peu une vérité de la palisse de dire, ben si on fait un espace vert, évidemment, qu'est-ce que ça fait? Puis ça, c'est une étude de l'INSPQ là, qui est tout à fait récente. Là, on a fait une revue de littérature. Mais évidemment, avoir un parc, c'est cohésion sociale, ça crée des interactions sociales, les gens se parlent plus. Aussi, un sentiment de sécurité qui est bien important. Mais une autre étude néerlandaise qui est assez récente, qui a révélé que les personnes qui vivaient à proximité d'un espace vert ressentent moins la solitude et souffrent moins d'un manque de soutien social, même s'ils n'ont pas des contacts plus fréquents avec des amis et des voisins. C'est-à-dire que l'espace vert va quand même créer ce sentiment-là, même si vous n'avez pas tout à coup une vie sociale de barbecue extraordinaire dans le parc avec les gens. Donc, ça m'amène à vous parler juste en terminant brièvement d'un super projet qui a été initié par le CIUS Capitale Nationale dans Saint-Jean-Baptiste. C'est au CHSLD, le Faubourg. On a fait un jardin collectif. C'est pas un jardin communautaire. On a décidé qu'on jardinait ensemble, qu'on récoltait les fruits intergénérationnels, les gens du CHSLD puis les gens du quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, écoutez, moi, je vous dis, vous souhaitez, en début d'année, je vous entendais en début d'émission, là, de bouger dans vos actions. Ben moi, je vous dis, bouger physiquement, ça va être déjà un bon début, puis ça va être faire économiser des coûts à la société, certainement. Ben oui, puis tu vois, jardin communautaire, je sais que tu parles de... ça n'en est pas un pour celui-là, mais il reste que cette philosophie-là qui s'implante de plus en plus dans les villes, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai vu à différents endroits. C'est fascinant. Les gens embarquent et on redécouvre une façon de c'est une communauté, c'est de la vie de communauté qui tend à disparaître. Et oui, et au niveau social, là, vous le dites, mais aussi physiquement. Comme là, on a une émission sur l'arthrite qui va s'en venir cet hiver. Mais c'est une façon de bouger. C'est une façon de bouger qui est pas qui vous fait pas courir un marathon. Mais chez les personnes âgées ou même les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est super important. Tous les petits gestes comptent. Puis c'est ça qui permet de faire la différence entre une personne qui est active ou pas, là. En tout cas, je retiens aussi que l'aménagement des villes, on le dit souvent, hein, l'aménagement des villes, quand on se demande si ça a une influence directe sur notre quotidien, sur notre vie, l'aménagement des villes, là, c'est fondamental. C'est fondamental. Un effet sur la santé, sur ta psychologie, sur ton humeur, sur écoute, c'est majeur. Puis quand on parle de commerce de proximité, je regarde Jean-Claude du coin de l'œil, mais c'est tellement un enjeu dont on entend de plus en plus parler, notamment sur le plan économique. Là. Je veux dire qu'il y a à peu près juste du positif à y penser et à y travailler. Merci beaucoup, Isabelle. Bon retour dans la neige. Merci beaucoup, j'ai mes raquettes. Bon, ben, c'est ça. Puis pour ça marche. Ben oui, puis pour ça marche. Point doc. Oui, ça marche doc. En fait, on commence les émissions de télé. La première est le 31 janvier, pardon. Okay, puis la première marche le 27 janvier, le samedi 27 janvier. Très bien, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Oui, c'était bien intéressant. Maintenant, Jean-Claude, pour terminer, au lieu de questions de la semaine, on s'amusait un petit peu. Tu voulais nous parler de l'anniversaire de l'année? Oui, ben ça m'a frappé. Un chic type à souligner. Oui, ben c'est un monsieur Edward Teach, mais je suis pas sûr qu'on le connaisse sous ce nom-là. Il est connu sous le nom de Barbe Noire, qui est un... c'est peut-être le pirate qui a vraiment existé le plus connu, le plus célèbre, parce qu'il a fait des bonnes affaires pendant 3-4 ans. Le problème, c'est un métier dangereux, puis ça dure pas très, très longtemps, mais pendant 3-4 ans, il a emmerdé pas mal de monde. Notamment la marine britannique puis les commerçants américains. Alors, ils ont fini les commerçants parce qu'il y avait, rançonné le port de Charleston aux États-Unis. Puis là, ils ont dit ça va faire. Là. Fait qu'ils ont mis un paquet de. Ils ont mis la Navy, la marine à ses trousses, puis ils ont fini par avoir sa peau le 22 novembre 1718. Mais moi, je le trouvais intéressant. C'était un peu amusant de rappeler ce personnage-là qui rappelle Pirates des Caraïbes parce que le film a succès. Mais effectivement, il était basé des Caraïbes. Et moi, je vois un drôle de lien avec le monde d'aujourd'hui. Les pirates ont peut-être des barbes mieux taillées aujourd'hui, au moins noires, mais des paradis fiscaux dans les Caraïbes, là, ça ressemble un petit peu au piratage. Puis l'autre affaire, ben, ça me rappelait aussi les pirates aujourd'hui, c'est des pirates informatiques. On l'a mentionné un peu tantôt, le cyberpiratage. T'as des pirates à gages maintenant, c'est-à-dire que tu peux engager pour mettre le bordel dans les systèmes informatiques de ton concurrent. Donc, ou comment faire du rançonnage, c'est-à-dire que votre système informatique ne fonctionne plus à moins que vous me versiez une rançon. Donc, les pirates ont sont peut-être moins sympathiques que Barbe Noire aujourd'hui. Quoique, je ne sais pas qu'à l'époque, si les gens le trouvaient vraiment très sympathique. Ben, encore là, c'est intéressant parce que aussi, on peut penser que le pirate, automatiquement, on pense au gars en marge, ouais. Tu sais, la caricature, mais reste qu'au départ, on s'en servait sur le... C'est les États, hein, les gens, les gouvernements c'était, s'en servaient. Ben, c'était des corsaires, mais effectivement, c'est un ancien corsaire qui avait fait ses armes avec la marine britannique, exact. Je pense. Mais on dit sur... je vais aller consulter Wikipédia un peu, évidemment. On dit que c'était un bon gestionnaire, c'était un gars bien organisé, c'était un bon leader. Il y avait toutes sortes de talents, ce gars-là. Un bon pirate. Et puis, en terminant, Jean-Claude, effectivement, écoute, c'est la question de l'année, le Bitcoin. Il faut revenir rapidement là-dessus. Bien, évidemment, c'est impossible. On n'a aucune idée. Là. On saura à la fin de l'année. Je ne sais pas si on sera encore en onde à ce moment-là, comment ça évoluera. Mais j'ai noté une petite nouvelle que j'ai trouvée amusante. C'est que la municipalité suisse de Chiasso, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Chiasso en Suisse, mais eux autres, ils vont accepter les paiements en Bitcoin à partir d'en 2018. Encore là, ça me rappelle un peu le truc d'Amazon de tantôt. C'est comme si les frontières entre l'économie et le politique sont de plus en plus poreuses. Moi, je trouve que c'est un comportement très spéculatif pour une municipalité. C'est-à-dire, tu acceptes des paiements en Bitcoin, tu sais, tu payes tes taxes, tu payes un bitcoin à la municipalité de Chiasso, c'est-à-dire 12 000 piastres, parce que c'est une très belle maison, mais le bitcoin, il va peut-être valoir 5 000 piastres la semaine suivante, ou peut-être 25 000. Mais c'est quand même très étonnant, parce que s'il y a une chose pour les municipalités, c'est vraiment d'espérer, d'être capable de prévoir le moindrement. Mmh. Tu essaies d'éliminer les facteurs de risque, justement. Mais là, ils font le contraire. Ben, c'est, en tout cas, remarque, c'est pas grave. Chiasso, probablement, c'est une petite ville, mais quand même. Mais quand même, on vérifiera. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine, pour cette nouvelle année qui débute. Merci à Jean-Claude Cloutier. Merci Jean-Claude pour la collaboration, recherche. Merci à Isabelle Vaillancourt pour la chronique. Un grand merci à Gary Dorreur pour la mise en onde. Merci. La semaine prochaine, on parle de Davos, changement de l'économie mondiale, les nouveaux défis. Ça va être très enrichissant. Soyez là. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.